Jeune Renoir sauvage. Elles ont du sperme dans le sauvage. Le canon frotte mon pénis. Le vendredi, je suis en camis. J'suis dans le bloc avec mes négros. On va pas faire de détails, viens on parle en gros. Pas mon amigo que pas ça amigo. Et ça je laisse Charlie Delta c'est Chicago. L'État, on vole ta caisse cardiaque Chirac. Mon fusil accouche des balles congolo-slovaque. J'ai un flot de baiser, c'est mon côté nymphoman. J'aime les maillets, mon côté niafou man. C'est Black Day au mic, j'ai nous pas de make-up. J'suis sur le raté, c'est sûr que j'suis le buteur. La substance que j't'ai refait les films, c'est la meilleure. T'es comme Michael Jackson, moi j'suis dans un thriller. Je coupe la brique comme un druide, silencieux, je fais pas de bruit. Ça bique grave même sous la puce, ces bâtards n'ont pas de preuve à la puce. La pièce que j'peux faire dans une baraque, c'est sûr que c'est la zine cuite. Tu t'es perdu dans mon triangle, mon gava, ouais, t'es mort, t'es cuit. La siroque, j'y vais, arrive dans mon estomac, ça me brûle. Là c'est beau, j'suis prêt, j'y vais, mon gava, bah, défait le but. J'ai ça, là, me harza, nettoie avec du papier cul. Comment se retrouve, bitchy, vas-y, baisse-moi ton fut. Ça pipi la journée, posé sur le raté, il me faut des lovés. Zanotti, loup, t'as Gucci, oh, comme j'suis posé. Peupon, 9 000, t'as plus qu'à crever. Ramène des Tiaga, des Anna Montana, aucun du posé. XV, barbare, négro type. Cardaque, Chirac, cardaque, Chirac. Déclare forfait, anticipe. Cardaque, Chirac. Cardaque, Chirac, cardaque, Chirac. Cardaque, Chirac, cardaque, Chirac. Cardaque, Chirac, tu as Chirac. Dès le matin, 2-3 lospos qui m'attendent. Appel en jazz et les parents latins. Rien à foutre, je atteins toujours être sur la pente avec quelques catins. 17 tout coffré sous le sapin. Je baisse qui, ça c'est mon blaze d'hiver. Tu hoches bourbier, H31 dans soir. Bien trop charron pour avoir le salaire d'un buteur. Y'a deux plots dans la part. Libérez les renegades. Fuma skunk. J'suis dans la plante, je roule en blague. Ce soir, j'suis dans les ouais. Demande à peu, ça envoie la ouais. T'as c'est plein un peu, t'as niqué ton bénéf. Moi, je passe la beuh, toi, tu tapes dans la haine. XV Barbare et Canis, pas concurrence, t'es déjà au courant. Plus d'un négro et d'averti, j'fais tourner le business, tout est dans le mouvement. Bessati. La chefour, la retour et la J. Tu t'es fait tes sons, tu sais même pas qui. Y'a de la repu, du que cra, du paqui. Ça débouche, ça décharge, ça détaille. Pas besoin de genre plus de détails. Une bécane, une cagoule, une mea. On est paré pour des fourrailles. Ferme ta gueule devant la flicaille. Hugo, faut qu'on maille. Les euros, les dollars, les livres. Hugo, faut qu'on maille. Le pilon, la CC, la weed. Hugo, faut qu'on maille. Si j'ai charro dans la zone, pour bien dans le corner, va niquer ta grand-mère. Je veux péter le bénéf de bénéf. Des tonnes de billets verts. Des tonnes de billets verts. De quoi arroser le père et la mère. J'ai braqué, j'ai volé, j'ai dealé. Tout puissant pardonne mes péchés. De temps en temps, je me mets à prier. Je ne veux pas brûler. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ma drague, c'est faire la bagarre. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ma drague, bescule le placard. Ça pipi la journée, posé sur le raté. Il me faut des lovés. Zanotti, loup, t'as Gucci, oh, comme j'suis posé. Peupon, 9 000, t'as plus qu'à crever. Ramène des Tiaga, des Anna Montana, oh, comme j'suis posé. XV, barbare, négro type. Cardaque, Chirac, cardaque, Chirac. Déclare forfait, anticipe. Cardaque, Chirac. Cardaque, Chirac, cardaque, Chirac. Cardaque, Chirac, cardaque, Chirac. Cardaque, Chirac, tu as Chirac. Big, homie, prix du sort du labo. À charron, lève la main si t'es à charron, une charogne. Tu ramasses tes sous, tu cales sur la gauche et tu pécho des darons. Evry c'est chaud et tu connais, personne ne rentre comme en Corée. Tapine la farine, viscère en l'os les vitamines. Bouteille à la main, c'est parti, charron brigué, j'mène mon transit. Pété de la schnecke, claquer des fesses, comme si tu dansais du turc. Chante du tank, pas colombienne. J'suis dans le game, tes gamins sont choqués. Serre la poubelle, fais-moi la chaîne. Monte mes pecs, fais de la gymnastique. L'armée soviétique, coup de rein mystique. Tibili, tabac, la ramine, les tchaga, la pâti, sangana. J'suis dans une ganda, j'suis rebou, bitch. Mais les capas de faire maillot. Tu es un fagnon, pour toi, moi j'suis feignant. Et je suis trop feignant, grâce à j'ai te descends. Plus le temps passe, plus je vois des choses à travers les saisons. Des kills et des grammes, des deals et des drames qui se font à la commande. posé dans le soir. J'ai des bras qui te scapent le bras. Donc à la mitraille dans le noir. Comme ça, ça, ça, moi je pourrais dire que j'ai rien vu. J'ai donné tant d'espoir à des barbares qui de barbares en barbares vont suivre. Je coque la brique tellement vite qu'on me suit. Quand je passe, vite repassé, j'envoie quelques personnes pour ramasser les douilles. Je chasse avec la CIA, Salif qui patrouille en patrouille. Je suis dangereux, en comico, nerveux comme mon frère dit non. T'as des boutons, j'ai des épaules, je ravale et je vous dis même pas adios. Ça pue plus la journée, posé sur le radé, il me faut des lovés. Sanoji, loup ou t'as Gucci, oh comme je suis posé. Poupon, 9 000, t'as plus qu'à crever. Ramène des Tiaga, des Anna Montana, oh comme je suis posé. Islay, barbare, négro, type. Garda que Chirac, garda que Chirac. Déclare forfait, anticipe. Garda que Chirac. Kajak Chirac, Kajak Chirac. Garda que Chirac, garda que Chirac. Kajak Chirac, je suis à Chirac.